Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, 1989, le début de la fin de l'histoire, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des commémorations et des souvenirs, des dates sur lesquelles on bute, un mur qui tombe alors que personne ne s'y attend, des pays qui disparaissent, d'autres qui naissent, et la fin d'un monde conduit par la guerre froide. Toute une histoire à raconter et un homme qui a compté. Alors pour commencer, les personnages. Un ancien porte-parole au français parfait, un diplomate loquace, un journaliste dans le secret, un homme plus jeune, un président acteur et un vrai démocrate. Ensuite, le décor, l'Afghanistan, une tache de naissance, la paranoïa, une rencontre au sommet, des euromissiles, une histoire d'amour, la muraille de Chine, un putsch, des chars, une démission et un nouveau drapeau. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute une archive. L'URSS n'existe plus. 11 républiques sur 12 de l'ancien empire soviétique ont signé ce matin à Alma-Ata l'arrêt de mort de l'Union soviétique. 21 décembre 1991. De Moscou, peut-on d'ores et déjà dire que le passé est maintenant définitivement enterré ? Effectivement, c'est la confirmation de l'acte de décès de l'URSS telle qu'elle existait depuis 1922. Confirmation, puisque vous vous en souvenez, il y a 2 semaines à peine, à Minsk, les 3 républiques slaves, conduites par Boris Yeltsin, avaient déjà déclaré morte l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est important de voir qu'il y a maintenant 12 républiques qui sont présentes et que 11 d'entre elles ont confirmé cet acte de décès. Ce sont bien entendu les 3 républiques slaves, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, mais aussi les 5 républiques d'Asie centrale, du Tadjikistan au Kazakhstan. Et puis il faut ajouter à cela la Moldavie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, autant de républiques qui sont devenues entre-temps des républiques, des États indépendants, et qui constituent, comme vous l'avez dit, cette communauté d'États souverains, ce que l'on peut appeler en résumé ce Commonwealth qui est né donc ce matin même à Alma-Ata, sur les ruines de l'ex-Union soviétique. C'est historiquement extrêmement important et c'est la confirmation, si vous voulez, de la réunion de Minsk du 8 décembre dernier. Les présidents réunis en ce moment à Alma-Ata ont purement et simplement démissionné Mikhail Gorbatchev, même si officiellement la démission n'est pas encore annoncée et si Gorbatchev lui-même n'a pas dit ce qu'il ferait. Je crois que Gorbatchev va attendre de toute façon que la réunion d'Alma-Ata soit terminée pour annoncer sa décision. Boris Yeltsin, vous le savez, a souhaité qu'il parte avant la fin du mois de décembre et il a promis qu'on réserverait à Gorbatchev une retraite digne de sa contribution à l'histoire. Comment concrètement cela va se passer, ce n'est pas évident, car c'est la première fois depuis la révolution d'octobre qu'un dirigeant soviétique part ainsi de façon, entre guillemets, officielle et tranquille à la retraite. 1989, le début de la fin de l'histoire, Mikhail Gorbatchev, l'artisan du Nouveau Monde, par Alain Lefkovitch et Guillaume Baldi. En 1985, j'avais 18 ans, dans ma banlieue rouge du sud-est parisien. Bien sûr qu'on en parlait de ce Gorbatchev. D'ailleurs, l'espoir qu'il suscitait était bien plus grand que celui qu'avait provoqué Mitterrand 4 ans plus tôt. Car dans ma famille, d'anciens communistes, on savait qui il était Mitterrand. La Francisque, l'Algérie et tout le reste, on avait de la mémoire. Mais Gorbatchev, lui, on ne savait pas encore. Moi, il me fascinait, car on avait un point commun. La même tache rouge sur le crâne comme celle de mon grand-père paternel. Du coup, je me sentais proche, comme si cette tache faisait de nous des membres d'une même famille. Il allait mettre un terme, tout le monde en était sûr, à la guerre froide, une expression qu'on mettait en avant pour expliquer à peu près tout du monde bipolaire de l'époque. En face, un ancien cow-boy d'Hollywood, Ronald Reagan. À Vigneux-sur-Seine, on ne l'aimait pas. Trop de dents blanches, trop de gomina. Et on l'imitait en mâchant du chewing-gum tout en parlant en yaourt. Et pourtant, à eux deux, le monde s'apprêtait à ne plus jamais être comme avant. On se gargarisait d'un nouveau bréviaire, perestroïka, glasnost, des mots et des concepts inédits qui allaient enfin bouleverser les équilibres. N'en déplaise aux staliniens du conseil municipal qui n'avaient de cesse de conspuer le grand capital et qui voyaient en Gorbi rien de bien, aucun lendemain mélodieux ni avenir radieux, la guerre froide était et personne n'y pouvait rien. cette guerre froide qui a... Andrei Gratchev, ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev. Qui a commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu ses crises, ses hauts et ses bas, mais qui a connu aussi cette période des étapes de détente, surtout dans les relations entre les Soviétiques et les Américains, puisque ça fonctionnait comme ça, le monde de la guerre froide. Il a été plus ou moins partagé en sphère d'influence des deux grands camps, dirigés chacun par les Occidentaux, avec les Américains en tête et les Soviétiques. Mais quand j'évoque la deuxième édition de la guerre froide, c'est pour dire que après plusieurs décennies d'une coexistence plus ou moins pacifique, et surtout à partir de la fin des années 70, je crois que l'Occident et les Soviétiques sont entrés dans une période de la nouvelle montée des tensions, avec d'une part l'envoi des troupes soviétiques en Afghanistan, en 79. En cette même année, l'OTAN prend la décision du déploiement des Pershing américains en Europe occidentale. Et donc, depuis, les relations ne cessaient de se détériorer, avec surtout l'arrivée à la tête des États-Unis d'un certain Ronald Reagan, avec son projet précisément, comme vous le rappelez, le projet de la guerre des étoiles, qui a été considéré par les Soviétiques comme la cassure de cette formule de l'équilibre nucléaire qui avait été négociée et signée par Nixon et Brejnev en 72. Ensuite, on a connu des crises que certains n'ont pas hésité de comparer à les crises des missiles de Cuba de 62. C'était par exemple l'avion sud-coréen qui a été abattu par les Soviétiques au-dessus du Pacifique. Il y a eu aussi des manœuvres américaines qui avaient été prises par la direction soviétique d'Andropov à l'époque, comme la préparation pour une frappe préventive contre l'Union soviétique. Donc c'était le comble de la tension. Et c'est en ce moment, il y avait en effet une sorte de vacance de pouvoir à Moscou, au Kremlin, avec Tchernenko qui succédait Brejnev, un vieillard incapable et impuissant, avec Andropov qui, lui, à son tour, était malade et qui n'a pas eu, même s'il avait peut-être quelques idées de la transformation, des réformes à l'intérieur de la société soviétique pour les réaliser. Et donc, dans cette situation qui peut être caractérisée comme un impasse, mais un impasse stratégique, dangereuse, voilà arrive le représentant d'une nouvelle génération de la classe politique soviétique, avec pratiquement l'évacuation de toute la vieille garde. Un homme de 50 ans, à peine, entouré à peu près par les gens de sa génération politique dans le Kremlin, dans les régions de l'Union soviétique, et surtout avec une compréhension de ce que les choses ne peuvent pas aller de la même façon à la fois à l'intérieur de la société soviétique et dans les relations internationales. Gorbatchev était inventé par hasard, par un dirigeant de l'époque qui était le chef du KGB, qui s'appelait Andropov. C'est un intellectuel, un dirigeant assez pointu. Et il venait se reposer dans une province où Gorbatchev il était un vice-roi, une sorte de dirigeant de la province dans le midi de la Russie, à Stavropol. Vladimir Fedorovski, diplomate de la perestroïka. Mais c'est quelqu'un qui est particulier, qui lisait la presse, anglaise, tout ça. C'était ce qu'il détestait, il détestait que les gens picolaient. À l'époque, la nomenclature, toute la nomenclature, il picolait. Il vient un jeune garçon, de pas encore 40 ans, qui vient le voir avec sa femme qui est très jolie, qui lui parle de Dumas, des voyages au Caucase, aux confins de Caucase, le Stavropol. Il venait se soigner pour des reins. Il vient chaque année. Il pleut, il regarde, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il est extraordinaire. Tout d'abord, il ne picole pas. il est bien éduqué, il me cite Gramsci, il me cite Dumas, tout ça, c'est Camus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il l'a pris avec lui, il l'a imposé, il l'a fait entrer au bureau politique. Il a arrangé ça avec Brejnev. Formellement, il dirige encore. Il est dans le vague, mais il dirige, formellement, il est encore dirigeant. Mais en réalité, c'est lui qui décide. Et il vient dans le sacro-saint de l'establishment soviétique, au bureau politique. Mais il est le plus jeune. Tous les gens, c'est les vieux schnocks. La majorité des gens, c'est 80 ans. Ils ont peur de ça. Mais Andropov le pousse. Il envoie tout d'abord en 82 voir Thatcher. C'est un épisode absolument extraordinaire. Ça a joué un rôle dans notre histoire absolument fatidique. Thatcher ne voulait pas le recevoir. Il a dit encore un dirigeant, encore les costumes trois pièces, n'importe quoi. Allez, ok, cinq minutes. Ils ont parlé deux heures. Vous savez, Gorbatchev, c'est quelqu'un par rapport à ce qu'on a vécu. Attendez, ça c'est le truc. Le mec était étonnant, il a un bagou. Mon copain Yakovlev était à côté de lui, vous savez, il vient, ils ont pris la vraie carte avec le pointage des fusées. Voilà, c'est ça qu'on peut anéantir en Angleterre. Mais on en a marre. Nous sommes exténués, vous êtes exténués, essayons de faire des choses ensemble. Il a laissé tout de côté, il était absolument ébloui par lui. Andropov, il voulait sauvegarder le contrôle politique du pays, faire l'ouverture économique, mais sauvegarder le contrôle politique. Tout était préparé, il dirigeait le KGB, était partout, dans chaque ministère, il y avait tout était préparé. C'est quelqu'un intellectuellement très fort. Parce qu'il a dit, c'est un pays énorme, si on bouscule trop de choses, il y a un bordel et ça sera trop dangereux. Brejnev est mort en 82, Andropov, il prend formellement le pouvoir. Mais il est malade, il est mortellement, il était malade. Il pousse Gorbatchev pour devenir son successeur. Ce n'est pas évident parce que la lutte là-bas à l'intérieur, c'est assez féroce. Mais il le pousse et il l'envoie au Canada. Le Canada, c'est plus important que l'Angleterre. Au Canada, il y a un personnage qui, dans l'histoire de la perestroïka et dans l'histoire du monde, joue un rôle absolument essentiel. Ça, il s'appelait Alexandre Yakovlev. Alexandre Yakovlev, c'est un personnage qui n'est pas du tout indifférent. Alexandre Adler, historien, journaliste. Et on va s'en apercevoir. Et c'est lui qui, avec une volonté qu'il a longtemps ourdie dans le silence de son exil, où il était ambassadeur au Canada, l'antichambre des États-Unis, parce qu'en fait, le Canada, comme la Belgique, enfin, pour la France, servait d'antichambre, et bien entendu, l'ambassadeur au Canada était le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis, en réalité. Mais c'est ce qu'était Yakovlev. Mais à Ottawa, il a le temps de réfléchir aux changements, et aux changements qu'il veut absolument radicaux pour la Russie. Je ne dis pas que Gorbatchev ne l'aurait pas suivi, mais Gorbatchev, il l'a manipulé au départ. Et puis Gorbatchev avait une très faible culture politique nationale. C'était un homme de la province, il s'en vantait d'ailleurs, connaissait bien un certain nombre de dossiers, mais pas beaucoup. Et en arrivant donc tout de suite à Moscou, il y a une situation idéale, où il a les mains libres, puisque Andropov est mort, il n'est plus là pour le piloter, où Yakovlev, en fait, se présente comme son fidèle, mais en réalité, c'est lui le patron, Yakovlev. Et donc, nous avons là une équipe, Yakovlev-Gorbatchev, qui va inspirer une politique complètement radicale et complètement inédite à la tête de la Russie. Alors on dira, oui, mais ça faisait longtemps que ça aurait dû avoir lieu, depuis le 20e congrès de 1956, on sait que la Russie est un pays qui a raté le moment de la modernité, le moment de la révolution, le moment des grands changements politiques qu'il aurait pu présider, mais que Staline, évidemment, avec sa folie dans ces dernières années, a empêché de manière très efficace. Et ensuite, eh bien, ma foi, avec Khrushchev, qui était un homme intellectuellement extrêmement médiocre et qui, lui, alors, ne comprenait pas grand-chose, d'autres années décisives ont été perdues. Donc on peut dire que de perte en perte, il fallait bien qu'un jour tout ça explose. Et c'est arrivé. Ça, c'est le génie de Yakovlev. Glasnost, c'est quoi? C'est la liberté. Perestroïka, c'est transformation. Mais vous comprenez, Diakovlev, c'était un homme astucieux. Et Gorbatchev, c'était un grand manœuvrier. En réalité, il ne faut pas dire, ils ont manipulé en quelque sorte le Parti communiste et tout le reste. Parce qu'ils voulaient sortir le système avec ça, mais en même temps, ils ne pouvaient pas annoncer les choses. S'ils disaient qu'ils veulent tuer le communisme, ils auraient été fusillés tout de suite par beaucoup de gens. Mais ils disent, dès qu'on introduit l'élément de la liberté, le retour vers le système stalinien est impossible. C'est des mesures, je dirais, de débureaucratisation et surtout de liberté politique. Et c'est une idée, évidemment, qui vient de l'échec des réformes, notamment économiques, qui ont eu lieu après la fin de Khrouchtchev et les débuts de Brejnev, où tout était encore ouvert, mais on ne savait pas où aller. Et bien sûr, certains disaient qu'il faut des réformes économiques sérieuses, mais personne ne voulait de réformes politiques. Ils disaient non, ça, on ne peut pas tout de même faire des réformes politiques, c'est trop dangereux. Et c'est ce que Yakovlev pensait erroné. Et il avait raison. Et sa vision, c'est qu'en contournant l'obstacle politique en permanence, disant, en ne faisant pas de politique, eh bien, on évite la vraie question qui est politique. À travers ses chansons, Kino, groupe rock soviétique des années 80, devient grâce au charisme de son chanteur Viktor Stoï, le porte-parole d'une jeunesse en révolte qui réclame, comme dans cette chanson, le changement. Qu'est-ce qui fait que cet homme, Mikhaïl Gorbatchev, séduit les Occidentaux? Il séduit déjà par le contraste qu'il présentait par rapport à ses prédécesseurs. Andrei Gratchev. Des vieillards dogmatiques qui connaissaient peu ou pas le monde extérieur et surtout qui étaient, je dirais, plongés dans l'univers... on peut dire stalinien, puisque c'était ça l'école qu'avaient fait Brejnev, Andropov, Tchernenko. Une des composantes de cette formation étant certainement cette peur paranoïaque, cette conviction de ce que dans le monde partagé à deux, la seule issue pour l'Union soviétique, c'était de se protéger par tous les moyens contre une éventuelle confrontation avec l'Occident, qui ne rêvait que de la détruire. En même temps, Gorbatchev, en arrivant en quelque sorte avec un visage d'un homme peu expérimenté d'ailleurs, surtout dans le domaine des questions internationales, mais avec le bon sens d'un paysan, puisqu'il est d'origine paysanne, fils d'un agriculteur de Stavropol. Il avait fait l'université de Moscou le temps du dégel khrouchtchevien. Il a dû subir l'influence du 20e congrès, de la politique de la déstalinisation, de la dénonciation des crimes staliniens. Et donc cet homme qui arrive... rencontrait à l'époque où il n'était encore pas élu secrétaire général Margaret Thatcher, séduit par l'image d'un homme normal. Bon, je dirais pas qu'il était un secrétaire général normal, pas encore, et on a découvert qu'il ne l'était jamais, mais c'était un homme normal qui était capable à écouter son partenaire, même son adversaire. Donc ce langage très inhabituel dans la bouche d'un apparatchik classique soviétique a dû déjà attirer une attention, impressionner D'autant plus que, comme je viens de vous dire, je crois que côté américain, mais surtout les Européens, Thatcher certainement, mais Mitterrand plus tard, on était à la recherche de retour à la normalité, à la rationalité dans ce que représentait l'Union soviétique, parce que la perspective indiquait probablement une fin terrible pour tous. Qu'est-ce que Gorbatchev a compris avant tout le monde et qu'est-ce qu'il fallait changer? Il fallait désarmer, il fallait transformer la société soviétique de l'intérieur? Écoutez, d'abord, Gorbatchev, comme Yeltsin en Oural, Ligachev en Sibérie, Shevardnadze en Géorgie, ont dû pouvoir constater l'essoufflement du projet soviétique au sens général. Sans général, j'entends par cela un projet bolchevique, en quelque sorte, qui avait été lancé par Lénine et évidemment consolidé et endurci par Staline pendant une quarantaine d'années. Pénurie des produits de consommation dans la vie quotidienne des Soviétiques, avec l'effondrement de l'idéologie qui est devenue une façade symbolique auquel ne croyaient probablement plus même les dirigeants de ce même pays, et en même temps une superpuissance énorme, rivale, la seule de l'autre superpuissance américaine, est obligée pour se maintenir dans ce statut de rival crédible des États-Unis, de consacrer de plus en plus de ses ressources, de ses dernières ressources parfois, dans la course aux armements qu'elle évidemment n'avait pas de chance de gagner. D'où le constat de cette nouvelle génération politique avec Gorbatchev peut-être en tête, dans l'avenir romain, de la nécessité de renverser la table et d'introduire des réformes, surtout des réformes intérieures, mais pour pouvoir s'engager dans ce projet ambitieux, il fallait en quelque sorte conclure un armistice avec le monde extérieur. Et d'une certaine façon, Gorbatchev était obligé de penser à conclure une paix sur le front intérieur pour avoir la possibilité et les moyens pour attaquer son front principal, qui était les réformes intérieures. Réélu triomphalement il y a un an, le chef de la Maison-Blanche jouit d'un prestige et d'une popularité inégalée dans son pays depuis Eisenhower. 18 novembre 1985. L'Amérique, comme il se plaît à le répéter, a retrouvé sa force, sa confiance en l'avenir et son enthousiasme. Et c'est vrai, c'est un sentiment qui doit tout à Ronald Reagan. Il est arrivé hier à Genève, plein d'enthousiasme à l'idée de se mesurer à Gorbatchev, qu'il essaiera de convaincre de sa bonne volonté. En ancien syndicaliste, Reagan pense qu'il n'y a pas de grande différence sur le fond entre la guilde des acteurs d'Hollywood et les problèmes de la planète. Reagan n'aime pas s'embarrasser des détails. Jusqu'au dernier moment, son entourage l'a fait bachoter sur les dossiers de base concernant l'URSS, en prenant soin malgré tout de ne pas surcharger l'intellect présidentiel. Jean-Luc Hesse, France Inter, Genève. Le portrait maintenant du numéro 1 du Kremlin par Mireille Lemaresquier. Mikhail Gorbatchev, c'est l'homme de l'année. Il étonne tous ceux qui l'approchent, il séduit par son sérieux, son dynamisme et son intelligence, mais il a, dit-on, un sourire aux dents d'acier. 54 ans, Mikhail Gorbatchev, né à Stavropol dans le Caucase, il voudrait, dit-on, marier le communisme à l'ordinateur. Dès ses premières sorties dans le grand monde, au Canada, il fit un tabac, n'esquivant aucun des sujets les plus délicats. À Londres, on lui parlait droits de l'homme, il parlait, lui, des 2 300 000 chômeurs de Margaret Thatcher. Le regard droit, une tache de décence qu'il ne cherche plus à dissimuler, le secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique pèse ses mots, sourit, se fait cinglant et parle avec les mains. Il est marié à une charmante épouse, prénommée Raïssa, et père de famille. Gorbatchev, c'est un apparatchik, un fonctionnaire de l'appareil communiste qui a fait une belle carrière au sein du PC soviétique. Il a 40 ans lorsqu'il entre au comité central et 49 lorsqu'il accède au Saint-Dessin, le bureau politique. Responsable de l'idéologie au sein de l'équipe Tchernenko, Mikhail Gorbatchev s'est affirmé très vite comme le numéro 2 du régime, puis comme le numéro 1 bis, secrétaire général par intérim. Réformiste sous Brejnev, il devient réformateur avec Andropov et il a aujourd'hui la réputation d'un pseudo-libéral. À la mort de ce même Andropov en février 84, il fut jugé trop jeune et trop inégal. inexpérimenté par la vieille garde du Kremlin. Mikhaïl Gorbatchev dut entériner sans broncher la nomination de M. Tchernienko en sachant pertinemment que le nouveau patron du Kremlin serait un homme de transition. Élu aujourd'hui, à 54 ans à la tête du PC soviétique, il a pratiquement le même âge que Léonid Brejnev lorsque ce dernier prit la place de Nikita Khrouchtchev. On connaît la suite. M. Brejnev est resté 18 ans à la tête du parti et de l'État soviétique. Aujourd'hui, 8 décembre 1987, est une date que retiendra l'histoire. Dans quelques heures, en effet, les dirigeants des deux pays les plus puissants du monde s'engageront à commencer le démantèlement de leurs armes nucléaires. Il s'agit des fusées à moyenne portée avec un rayon d'action de 500 à 5000 km, essentiellement les euromissiles, mais il en existe aussi en Asie. La signature de cet accord le plus important entre l'Est et l'Ouest depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale marquera le point culminant du sommet Reagan-Gorbatchev. Le plus haut responsable communiste du monde est arrivé hier soir aux États-Unis. Mikhaïl Gorbatchev est accompagné de Raïssa, son épouse. Un voyage historique mais aussi un événement médiatique que des milliers de journalistes dépêchés sur place s'apprêtent à graver sur leur pellicule. À Washington, tout est prêt. Michel Barthélémy. 14h aujourd'hui à Washington, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev tournent une page de l'histoire des rapports Est-Ouest en signant l'accord sur l'élimination des euromissiles. Avec ces deux signatures, c'est 350 têtes nucléaires américaines, 1500 du côté soviétique qui vont disparaître. Le début de la dénucléarisation de l'Europe, à l'exception des forces françaises et britanniques, vient d'être scellé à Washington. La véritable négociation qui démarre porte sur des armes qui sont censées protéger les sols américains et soviétiques, et un exercice de contorsion diplomatique est nécessaire entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, en ce sens que pour les soviétiques, moins de fusées intercontinentales signifie au moins un retard du projet de Ronald Reagan de guerre des étoiles. Cette promesse de libérer l'économie du poids des dépenses militaires, de la course aux armements, pour pouvoir transférer ces ressources pour des fins bien de l'économie civile. Ça devait prendre du temps. Ça devait avoir aussi le coût social pour toutes les pannes de l'économie soviétique qui dépendait de ce secteur orienté vers l'industrie militaire, des millions de gens. Donc, à partir du moment où Gorbatchev, après d'ailleurs une certaine hésitation, s'est décidé d'attaquer le plan, le front économique, donc l'introduction de la société privée, une timide libération des prix, une société qui a été, selon la qualification d'un écrivain biélorusse, ou russe, ou soviétique, si vous voulez, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de la littérature, qui qualifiait l'Union soviétique, la société soviétique, de mélange de gardien d'enfants et d'une prison. Et donc, cette société, eh bien, paradoxalement, a dû commencer à se sentir à la fois impatiente, en ne voyant pas immédiatement le miracle des résultats qui devaient être apportés par cette liberté offerte plutôt que gagnée par cette société. Et évidemment, la résistance des grands secteurs de cette société, en commençant par l'appareil du parti, en passant par les services du KGB, par les idéologues du régime, mais aussi, évidemment, par toute la nomenclatura à travers le pays, qui était irritée, qui se sentait menacée de voir perturber son mode de fonctionnement habituel. Comment est-ce que, dans les pays du bloc de l'Est, on regarde cet homme en Tchécoslovaquie, comment on regarde Gorbatchev en Hongrie, en Pologne Comme un ovni, au fond, parce que les gens, d'abord, étaient devenus extrêmement cyniques à l'égard de l'expérience soviétique. Alexandre Adler. Donc, un homme comme Gorbatchev, qui semblait un croyant, malgré tout, du système, qui était ambigu, il ne savait pas quoi en penser. Il ne voulait même pas donner de leçons au pays qui lui était beaucoup plus proche, le pays de l'Europe de l'Est. C'était la raison pour laquelle on l'accusait du retard, par exemple, dans la provocation de remplacement des anciens dirigeants dans les pays de l'Europe de l'Est en laissant des dirigeants type Jivkov, type Ceausescu à leur place, jusqu'à ce que les processus intérieurs arrivent pour les remplacer. Et surtout, il ne voulait pas imposer sa vision de la réforme du système communiste. Gorbatchev espérait à ce que c'est surtout par l'exemple de sa démocratisation réussie avant tout qu'il pourrait influencer l'évolution des pays et des systèmes semblables dans l'ex-camp soviétique. Vous savez ce que Gorbatchev, qui fait sa première visite en Allemagne de l'Est, finit par conclure. Parce qu'il voit l'Allemagne de l'Est, on lui dit d'abord que c'est un pays qui était un peu foutu, que Honecker est un imbécile, qu'il faudrait le remplacer rapidement. Ce sont toutes les idées de déjà Marcus Wolff et des gens du KGB est-allemand, qui eux-mêmes sont proches d'Andropov et qui voudraient se débarrasser tout de suite de l'équipe d'imbéciles qui domine l'Allemagne de l'Est. Gorbatchev fait sa première tournée. Il voit Honecker, qui est extrêmement flatteur, évidemment, qui essaie de se faire bien voir. Et il leur dit, mais c'est très bien, l'Allemagne de l'Est, ça marche beaucoup mieux que la Russie. D'ailleurs, il le voit. Et il dit, vous savez quoi, DDR, qu'est-ce que c'est, en fait, c'est comme slogan? C'est « Davai, davai, rabotai ». Allez, allez au travail. Et donc, l'idée, c'est de remettre l'Allemagne de l'Est au travail, il n'y a pas de problème. Et il refuse absolument tout ce que lui propose l'état-major d'Andropov, c'est-à-dire la liquidation rapide de Honecker, qui, si elle était arrivée dès ce moment-là, aurait évidemment évité la catastrophe que sera l'explosion de l'Allemagne de l'Est. Mais évidemment, ça, ce n'est pas du Gorbatchev. Vous rappeliez la visite de Gorbatchev à Pékin, le 15 mai 1989. Effectivement, il ne peut pas se rendre place à l'Allemagne qui est occupée par les étudiants, mais il va aller sur la Grande Muraille. Il y a la question d'un journaliste qui lui dit « Alors, est-ce que vous êtes content d'être sur la muraille ?» Gorbatchev aurait dit « Il y a trop de murs dans ce monde qui séparent les hommes. Il faudrait en abattre quelques-uns. » Il aurait évoqué le mur de Berlin. C'est une phrase étonnante, maladroite, bien entendu. C'est-à-dire, je ne vois pas Andropov, qui était un homme qui savait toujours garder son silence et mesurer ses déclarations, faire une sortie pareille. Mais, je parlais de Gorbatchev. Non, je sais bien. Mais donc Gorbatchev, encore une fois, c'est quelqu'un à qui on n'a pas appris à taire sa gueule. C'est évidemment la chose qu'il ne fallait pas dire en Chine, au moment où Deng Xiaoping était en si grande difficulté que d'aller l'assassiner avec des propos démocratiques qui, en effet, là vous avez raison, sont du raïssa pur. Mais en même temps, il était complètement déstabilisé à ce moment-là. Et évidemment, il a vu dans ce qui était en train de se produire à Tiananmen, l'effondrement du système chinois dont il était très jaloux. Parce qu'il voyait bien les succès évidents de la Chine et les insuccès évidents de la Russie. Bah, il s'est vengé un petit peu bassement en disant cette vacherie épouvantable que, évidemment, les Chinois ont pris très, très mal. Et c'était très maladroit de la part d'une Russie qui pensait encore jouer un rôle dans le monde que d'accabler les Chinois au moment le plus difficile pour eux. Kino chante le printemps. L'histoire d'amour de Mikhail Gorbatchev et de sa femme n'est absolument pas une plaisanterie. Il l'a rencontrée lorsqu'elle était étudiante comme lui. Il en a été éperdument amoureux. Je dirais que l'amour qu'il lui a immédiatement réservé est un amour complet, un amour de tête, comme dirait Stendhal. C'est-à-dire que, bien entendu, il la trouvait très belle, elle l'était. Il la trouvait très intelligente, elle l'était. Et elle était d'une famille beaucoup plus intellectuelle que la sienne. Donc, il était bluffé. Mais il était aussi impressionné par ses raisonnements, par sa révolte, par toute cette culture qu'il n'avait pas. Il l'admirait et il pensait qu'elle lui était très supérieure. Quand on regarde les choses de près, bien entendu, la véritable alliance, et là la finesse de Yakovlev est évidente, c'est d'avoir compris l'importance de Raïssa et de l'avoir mise dans son jeu. Et c'était d'autant plus facile que, évidemment, les idées, l'idéalisme de Yakovlev était parallèle à celui de Raïssa, qui elle-même avait connu le goulag, enfin, pour son père, pour les proches. Mais on peut dire qu'il y a une espèce de... une complète symbiose. Je tiens à vous raconter la vraie histoire de la chute de Berlin, où Raïssa a joué un rôle absolument décisif. Vladimir Fedorovski. Tout ce qu'on vous raconte ici, c'est bidon. Je tiens à vous dire comment ça s'est passé réellement. Les sources, c'est le Chevardnadze et Yakovlev. Le 10 juin 89, il y avait un plan qui existe du KGB, mais qui n'est pas déclassifié, qu'ils disent que depuis 89, il y avait plusieurs signaux qui ont été faits par les résidents du KGB, ARDA, les agents russes, qui sont partout, comme on sait bien, comme les espions occidentaux, le plan du KGB, qui prévoyait ils disent que si ça continue comme ça, ils utilisaient le terme, que c'est une prélude de la fin de l'Union soviétique, la prélude de la fin de l'Union soviétique. Ils ont eu, sur le fond, raison. Ils ont dit que le commencement de la fin de l'Empire commence le jour de la chute du mur. Mais vous comprenez, le concept de la perestroïka était le concept très profond. Ils voulaient l'ouverture, l'alliance avec les démocraties occidentales et transformation de l'Union soviétique. Le mur n'a pas de sens sur ce plan-là. Mais quand même, il y avait le KGB et l'armée qui disent « Attendez, c'est l'acquis de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le peuple russe, soviétique, qui a payé pour ça 27 millions de morts. Nous avons 500 000 hommes en Allemagne. Les Allemands de l'Est demandent d'arrêter tout ça. » Il y avait les manifestations. Les Allemands de l'Est, ils disent « Donnez-nous feu vert. Nous tuons un millier de personnes, mais vous nous couvrez. C'est tout. » Il y a un endroit, c'est une histoire pittoresque, presque tchékovienne. Il y a un endroit près du bureau de Gorbatchev, c'est les Boiseries. Ils se réunissaient à 5. Il y avait Alexandre Yakovlev et Édouard Chevardnadze. En face, il y avait... l'un s'appelait Yazov, qui était ministre des Affaires de l'armée, de la défense. Et Dimitri Yazov, il s'appelait, et l'autre s'appelait Vladimir Kruchkov, qui était le chef du KGB. Et ils ont été discutés, c'était une discussion, on me racontait, de 3h30. 2 contre 2. Le KGB, l'armée d'un côté, et mes copains réformateurs de l'autre. Et Gorbatchev, il gardait le silence. Il ne prononçait pas le mot. Et Yakovlev, il m'a raconté, il était terriblement inquiet. Comment faire? Et dans cette affaire, il y a un dessert russe que je tiens que vous reteniez, que je vous recommande à toutes surtout et à tous. C'est un dessert à la base de fromage blanc qui s'appelle Vatrushka, va jouer un rôle. Gorbatchev, il regarde la montre, c'est et Raïssa détestait qu'il revient quand il vient en retard. Il part à 9h. Et Yakovlev, qui est, vous savez, c'est l'affaire, l'enjeu est terrible. Il prend le téléphone de couleur ivoire, qui le remet en liaison directe avec sa copine Raïssa. Et tant que Gorbatchev est encore dans la voiture, il ne pouvait pas donner trop de détails, mais il laisse entendre. En fait, on peut tuer. Peut-être que ça va s'arrêter. Mais dans ce cas-là, la rupture avec l'Occident, tout le concept. Mais surtout, il a un argument de taille qui, je pense, a joué un rôle absolument essentiel dans l'affaire. Il dit... Si on accepte ce plan-là, nous devenons les otages, sa phrase exacte, il m'a redit ça plusieurs fois, l'otage de l'armée et du KGB. Dans les meilleurs de cas, nous sommes éliminés de pouvoir. Dans les meilleurs de cas, c'est la fin des réformes, de la perestroïka. Mais dans les pires de cas, nous serons tués. il y avait un silence au bout de très long silence, presque une minute. Il a dit, bon, Alexandre, on va dîner avec lui, etc. Tout à l'heure, il vient, il enlève ses chaussures, il prend le borsch, il prend le menu était pelmeni, je recommande tout, les ravioles russes. Et avatrushka, quand il s'en visite au dessert, il la briefe. Et après, sur l'oreiller, il l'a briefé. Le lendemain, il revient. La réunion n'a pas commencé. Il a dit, bon, j'ai pris la décision, on n'intervient pas. Ce vent de liberté déborde vite des pays satellites et atteint l'Union soviétique. Le Caucase se rebelle contre Moscou, les pays baltes suivent, la Lituanie déclare son indépendance. Cette fois, l'intégrité de l'URSS est menacée. En janvier 1991, Moscou intervient, l'armée tire sur les manifestants. Notre seul moyen de défense, c'était nos citoyens. Les citoyens lituaniens étaient très préoccupés par notre indépendance et ils pouvaient ensemble défendre nos principaux bâtiments. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées autour de notre tour de télévision. Ils n'avaient pas peur. 14 d'entre eux sont morts. L'armée soviétique finit par se retirer. Un petit peuple non armé a fait reculer Moscou. Au printemps 1991, les démocrates continuent de gagner du terrain. Les conservateurs tentent alors un putsch et les chars entrent dans Moscou. Dans le centre de Moscou, très vite, les premières barricades vont être érigées. Le refus des moscovites est clair, ils se structurent, drapeau russe en tête. On forme alors des chaînes humaines pour la démocratie, ils sont des milliers dans la rue. Alors que les forces spéciales, les bérets noirs, bloquent tous les accès au Kremlin, dans Moscou s'engage le plus étonnant des dialogues. « Ne vous inquiétez pas, dit ce soldat à la foule, nous n'avons aucun ordre précis. D'ailleurs, regardez mon chargeur, il est vide. » Officiellement, l'état d'urgence a été instauré donc sur tout le territoire de l'Union soviétique pour une période de 6 mois, afin, dit l'agence TASS, de surmonter la crise politique que traverse le pays, afin également de mettre fin au chaos et à l'anarchie qui menace la vie et la sécurité des soviétiques. Alors est-ce que la maladie du président, là, ça peut permettre justement aux conservateurs d'aller très très vite? Écoutez, il reste à savoir si Mikhail Gorbatchev est effectivement malade, comme l'indique l'agence TASS. Oh, bah, écoutez, d'abord, première réaction, j'entendais votre correspondant à Moscou, je vois qu'il n'y a aucun espèce de doute, il s'agit d'un coup de force, de coup d'État. Ça ne fait aucun doute. J'ajoute que on n'a pas lieu d'être particulièrement surpris, en ce sens qu'un certain nombre de signes permettaient de s'interroger très sérieusement sur ce qui allait se passer en Union soviétique. Le dernier en date de ces signes, c'est la démission de M. Alexandre Yakovlev, voici quelques jours, en annonçant un coup d'État. Boris Yeltsin, debout sur un char, c'est l'image emblématique du coup d'État raté mené par les conservateurs soviétiques le 19 août 1991 contre la perestroïka. C'est grâce au soutien de milliers de moscovites et d'une partie de l'armée que Boris Yeltsin, alors président de Russie, parvient à faire échouer le putsch en 3 jours. Boris Yeltsin tente alors de renverser la situation avec le soutien de l'étranger. Le coup d'État échoue le 22 août. Yeltsin devient l'homme fort à Moscou aux dépens de Gorbatchev. L'URSS est dissoute quelques mois plus tard, le 8 décembre 1991. Moskva, dobry den. Il n'était que quelques milliers hier à Moscou rassemblés à côté de l'immense statue du parc des expositions. Un monument de bronze représentant un couple formé d'une kolkhozienne et d'un ouvrier brandissant la faucille et le marteau. Quelques milliers de nostalgiques de l'Empire farouchement opposés à la disparition de l'Union soviétique. Ils ont conspué les présidents des 11 républiques qui ont formé samedi à Alma-Ata la CEI, la communauté des États indépendants. Boris Yeltsin, quant à lui, savoure son succès. Le pouce levé en signe de victoire, il se félicite d'avoir rassemblé la plupart des peuples de l'Empire sous sa bannière, des Ukrainiens aux Tadjiks en passant par les Kazakhs et les Arméniens. Seuls les Géorgiens, empêtrés dans leur sanglante querelle fratricide, font bande à part. Communauté d'États indépendants, certes, mais avec une superpuissance russe. L'accord de Alma-Ata ne peut masquer cependant les difficultés. Le Kazakhstan, république nucléaire, ne s'est pas encore résolu à abandonner toutes ses prérogatives en matière de défense. Et l'Ukraine prévient qu'elle ne se sent pas liée ad vitam aeternam à la nouvelle Union. Mais une page est bien tournée, et pour qu'elle le soit complètement, il ne manque plus que la démission de Mikhail Sergeïevitch Gorbatchev, aujourd'hui président 100 pays. Les vrais responsables de l'implosion de l'Union soviétique, c'est les putschistes de 91. Andrei Gratchev. Parce que, après tout, Gorbatchev a réussi à trouver une version de l'Est de l'Union européenne, c'est-à-dire une sorte d'union volontaire des républiques qui étaient réunies par l'intérêt historique, culturel, économique surtout. Bon, au bon nombre, pas tous, puisque les Baltes étaient déjà partis, comme les Géorgiens, mais des autres, y compris Yeltsin. L'accord pour la formulation d'une nouvelle union renouvée, mais c'était les putschistes qui ont cassé toute cette construction, parce que au moment où les chars des putschistes sont arrivés sur la place Rouge, eh bien, tout l'édifice qui avait été construit par Gorbatchev s'est effondré. On a vu l'avalanche des déclarations de l'indépendance pratiquement de toutes les républiques soviétiques. Certains de leurs dirigeants qui ont eu peur de ce que c'est l'Union soviétique dans sa forme, je dirais, stalinienne, qui allait être rétablie par des putschistes. Certains autres, quelques jours plus tard, ayant paniqué du fait de ce que, cette fois, c'est plus Gorbatchev qui va être dirigeant de cette nouvelle union reformée, mais un certain Boris Yeltsin, un personnage à l'égard duquel il avait beaucoup moins de confiance et surtout de volonté de poursuivre la cohabitation. Chers compatriotes et concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Прощай навсегда, залит сердечная рана. Кино шант, prends soin de toi. Завтра кто-то, вернувшись домой, достанет в руинах свои города. Passation de pouvoir en bonne et due forme hier soir entre Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin. L'ex numéro 1 soviétique a annoncé son départ dans une allocution télévisée qui a duré 12 minutes. Il était 18h, heure de Paris. Une tendance au démembrement du pays et à la désintégration de l'État a prévalu, à laquelle je ne peux souscrire, a déclaré Mikhail Gorbatchev en annonçant sa démission. Il a aussitôt signé le décret confiant le contrôle de la force de frappe nucléaire au maréchal Shaposhnikov, nommé commandant de l'armée soviétique jusqu'au 30 décembre par les accords d'Alma-Ata, et il lui a remis ses codes secrets ainsi que les moyens de communication nécessaires à la mise à feu de l'arsenal nucléaire soviétique. Dernier symbole de cette passation de pouvoir, le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau ne flotte plus sur le Kremlin. Quelques minutes après la fin du discours de l'homme de la perestroïka, des soldats l'ont remplacé par le drapeau de la Russie, blanc, bleu, rouge. Andrei Gratchev, vous qui l'avez côtoyé, ce Mikhail Gorbatchev, au fond c'était un démocrate? Mais oui, bien sûr. Mais écoutez, vous voulez une meilleure preuve que sa propre démission du pouvoir de poste du secrétaire général, de chef tout puissant de la deuxième superpuissance mondiale, s'inclinant devant le vote des parlements dans les républiques de l'Union soviétique. Les parlements librement élus, grâce à ses propres efforts, c'était la phrase d'ailleurs qu'il a utilisée dans une de nos conversations. Comment veux-tu que j'envoie, par exemple, les forces spéciales ou l'armée pour fusiller ces parlements pour la mise desquels en place j'ai mis tant d'efforts? Donc, pour moi, il y a peu de personnages politiques à travers le monde qui voudraient se présenter comme des grands démocrates, qui auraient donné des preuves aussi convaincantes que Gorbatchev pour cela. Parce qu'on dit qu'il a été détesté par d'abord sa propre population et puis par tous les dirigeants des ex-pays du bloc de l'Est. Écoutez, là, il faut nuancer. D'abord, il faut pas oublier que Gorbatchev est acclamé, est applaudi. Il est porté en quelque sorte dans les bras par toute la société soviétique qui est épuisée, qui est fatiguée par le système précédent. Et donc, il est porté par les promesses de son projet. Mais c'est un phénomène assez connu dans toutes les histoires. Eh bien, l'enthousiasme des premières années, il se souffle rapidement, surtout avec les magasins vides et avec le peu de résultats dans la vie quotidienne qu'apporte la réforme économique, qui apporte de l'inégalité avant tout, la corruption qui accompagne l'introduction brutale de l'économie de marché dans une société peu préparée pour cela. Et donc, il est tout à fait logique à ce que la déception remplace, je dirais pas rapidement, mais assez vite, cette période de la transition soviétique, de la société, qui découvre que la réforme, le changement de la peau, en quelque sorte, pour cette société, pour ce monde, a un prix à payer. Et il n'y a personne d'autre qui va payer ce prix pour vous. L'homme le plus populaire, c'est Staline. Parce que Staline, c'est un symbole de la lutte contre les nazis. Vladimir Fedorovski. Et aussi, c'est quelqu'un qui a tenu la tête à l'Occident. Et le concept des Russes aujourd'hui, qu'ils ont 91, et pendant la période Gorbatchev, l'Occident n'a pas voulu tuer le communisme. Il voulait détruire la Russie. Gorbatchev est traité aujourd'hui comme un traître et un crétin par la majorité des Russes absolus. Ces deux mots utilisent non seulement les gens qui sont nostalgiques du communisme, mais même les jeunes. Et surtout, même les libéraux, soi-disant pro-occidentaux, ils utilisent à propos de Gorbatchev les mêmes termes. Crétin et le traître. Gorbatchev est haï en Russie, haï. Mais à l'époque, ils ont proposé un concept. Ils ont été conscients que c'est énormément risqué. Mais il a dit, au moins, nous allons sortir du système qui mettait le monde au bord de l'apocalypse. Vous savez, ils ont sorti du communisme sans effusion du sang. Et c'est la première fois dans l'histoire des empires. La fatigue intellectuelle, pour parler poliment occidental, aussi a joué un rôle assez important. Moi, je suis persuadé que le putsch de Moscou ne serait jamais arrivé si, en juillet, Gorbatchev a été soutenu par les gens du G7, du G20, du G8 à l'époque. S'ils ont donné un tout petit peu de soutien sans miser sur n'importe quoi d'Eltsine, il faut comprendre que c'était vraiment n'importe quoi. J'ai travaillé avec Eltsine, j'ai connu Eltsine. C'était vraiment n'importe quoi. Et on aurait pu éviter, on aurait pu construire un autre monde. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et pour arriver à la situation où les Russes aujourd'hui ne veulent plus l'Europe. Dans ce contexte, ils travaillent avec la Chine. Et je vous prédis que c'est une chose assez grave pour les équilibres du monde, parce qu'il y aura une sorte d'alliance militaire et économique entre la Chine avec son potentiel économique et démographique et l'alliance avec la Russie avec son potentiel militaire, humain et potentiel en matière première. Voilà. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили. Гонят весело на номера И заели хлопочут двустволки Там охотники Merci à Alexandre Adler, André Gratchev, Vladimir Fedorovski, Claude Brouillot et Matteo Morillon pour son aide précieuse. 1989, le début de la fin de l'histoire, Mikhail Gorbatchev, l'artisan du Nouveau Monde. Réalisation Guillaume Baldi. Mixage Alain Joubert. Archivina Hervé Evano. Coordination Marivonne Bolivier et Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. Игорят,